Merci beaucoup Alain et merci à toute l'équipe du séminaire pour cette invitation et je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir. J'espère que vous m'entendez parce qu'en général j'ai l'habitude de parler par micro, mais là je vais essayer un peu de parler sans le micro. Si c'est un problème, dites-moi. Tout d'abord, je dédie cette présentation ainsi que toutes celles que je ferai dans le futur à Maria Clonaris. J'aurais aimé qu'elle soit avec nous ce soir, car il sera question d'une période très forte de notre vie et de notre rencontre, la période grecque. Notre adolescence et nos années d'études, puis nos premières années parisiennes. Et j'aurais aimé qu'il y ait aussi ce soir sa voix, à elle. J'essaierai de la représenter au mieux. L'action contre la torture que nous réalisons à Paris en 1976 a de multiples racines, à la fois dans notre parcours artistique et dans notre vécu politique à Athènes avant l'arrivée à Paris. Je vous parlerai de ce contexte pour élucider un peu la démarche d'une réalisation qui est restée unique dans notre parcours et qui intervient à un moment charnière de notre création. Maria et moi sommes adolescentes lorsque nous nous rencontrons à Athènes. En fait, nous fréquentions le même lycée américain, plutôt gréco-américain, le Pierce College. Sans être dans la même classe, j'étais un peu plus âgée qu'elle. Au lycée, j'ai réalisé une première mise en scène, très iconoclaste, un montage à partir des mouches de Sartre et des lectres de Giraudoux. Je jouais le rôle d'Électre dans Les Mouches. La mise en scène était stylisée, rituelle, résolument anti-réaliste. Pour Maria, qui était déjà une passionnée de théâtre, cette représentation a été un choc émotionnel. Pour moi, c'est la découverte des dessins de Maria qui a été un choc émotionnel, la puissance et la charge sensuelle qui sont dégagées. La rencontre était bouleversante pour les deux. Étudiantes, respectivement à l'école philosophique de l'Université d'Athènes, pour moi, et à l'école des Beaux-Arts, pour Maria, en 1968, pendant la dictature, nous créons un groupe de théâtre expérimental indépendant. Maria en tant que scénographe et moi en tant que metteur en scène. Il s'agit du Théâtre des Quatre, avec lequel nous montons Les Bonnes de Jean Genet en 1968 et Salomé d'Oscar Wilde en 1969. Notre langage théâtral expérimental est alors fondamentalement corporel et visuel, plastique. À cette époque, toutes les pièces de théâtre, tous les scénarios de cinéma, tous les manuscrits de livres sont soumis au comité de censure du ministère de l'Intérieur. Le texte des Bonnes nous revient sévèrement censuré, mais nous le jouons dans son intégralité. Ces spectacles reçoivent un écho très favorable dans la presse grecque et curieusement, malgré l'isolement culturel de la Grèce, un début de reconnaissance internationale. En 1972, Maria est primée à la Triennale internationale de scénographie de Novi Sad pour ses décors et costumes de Salomé. À la même époque, je reçois une bourse de l'Institut international du théâtre pour un stage avec Luca Ronconi à Paris. Et en 1973, Odette Aslan distingue notre représentation des Bonnes dans son ouvrage sur Genet paru aux éditions Segers. On peut montrer quelques diapos des Bonnes et de Salomé et j'ai apporté aussi un dossier que je peux faire circuler, c'est des dossiers que nous avions constitués de photographies à notre arrivée à Paris pour pouvoir montrer notre travail donc théâtral. On peut éteindre s'il vous plaît les lumières ou pas? C'est pas tout. Donc c'est clair, dans Les Bonnes, c'est moi. Oui. Voilà. C'est Solange, Antonias Di Molitsa. Solange, Claire et Madame, Olympia Karayoka. Personne n'était des acteurs professionnels. Olympia Karagiorgas était une poétesse connue en Grèce et Antonia était à l'époque étudiante en droit. Donc vous remarquez la symétrie, la mise en scène des bols est présentée comme une sorte de double. Hein, il y avait comme ça des compositions absolument symétriques. Et là, c'est la pyramide de Madame, donc Claire. Les costumes faits par Maria étaient dessinés à la main et ils reprenaient les dessins qui se trouvaient dans le décor, de sorte que les bonnes se perdent dans le décor. Et là, c'est quelques images de Salomé. Ça, c'est le programme avec un dessin de Maria. Et c'est Yokanaan. Kostas Arzoglou et Salomé, moi. Et donc, le décor était monochrome, parce que depuis cette époque, on avait commencé à travailler sur des fonds monochromes. Donc, dans notre théâtre, les fonds étaient blancs, rouges ou noirs. Et ce fond noir est celui que nous avons repris par la suite dans nos films. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a comme photo pour l'instant. Ça va être un peu compliqué quand il y a une seule diapo à montrer. Bon, on va se contenter de les voir avec la lumière. Après ces mises en scène, le cinéma entre en jeu dans notre création. Nous réalisons d'abord en 8 mm un premier film à partir des bonnes de Genet, mais avec une autre distribution. Il y a des photos du film à la fin de ce dossier. Ensuite, nous faisons l'acquisition d'une caméra Super 8. Le format venait d'être commercialisé et nous commençons à réaliser nos films toutes seules, des films courts. Nous concevons aussi le projet d'un film à partir d'un roman de Georges Chimonas, l'écrivain Georges Chimonas, très important écrivain grec, que nous rencontrons à Athènes en 1970. Et ce roman, c'est Mythistorim. Je pense que les images arrivent à nouveau, Hélène. Mais laisse la lumière, c'est pas grave. Ce film est resté inachevé. En fait, notre travail sur Mythistorim a donné lieu à un certain nombre de tournages, mais jamais montés, jamais terminés. Là, vous avez certains personnages du film. Tu peux continuer. Là, vous avez une édition, l'une des nombreuses, parce qu'il a été réédité plusieurs fois, de Mythistorim, aux éditions Kedros, avec une couverture de Maria. Bien. Alors, cette première approche du film nous fait réfléchir sur des ponts entre cinéma et théâtre. Nous cherchons alors à intégrer certaines potentialités techniques du film, comme le gros plan, le ralenti, dans notre travail théâtral. C'est avec la création de l'espace de recherche théâtrale en 1973 que nous commençons à lâcher drastiquement les amarres du théâtre et à esquisser une écriture quasiment cinématographique dans la représentation. Je vais insister un peu sur expérience 1, image de la vie quotidienne. Je n'ai pas de photos dans le PowerPoint, mais il y en a dans l'un de ces dossiers. Je vais passer de l'autre côté. Expérience 1, image de la vie quotidienne, une création de laboratoire que nous réalisons avec l'espace de recherche théâtrale. Je vais insister dessus parce que c'est une racine immédiate de l'action contre la torture. Avec cette création, nous radicalisons notre attitude envers le théâtre et initions un processus de rupture qui serait achevé 3 ans plus tard avec l'action contre la torture et avec notre film « Double labyrinthe ». Il y a donc une sorte de triangle entre ces 3 réalisations, en quelque sorte expérience à image de la vie quotidienne, la torture, double labyrinthe. Dans image de la vie quotidienne, nous avons procédé à une élimination quasi chirurgicale des structures théâtrales traditionnelles, y compris la pièce et la scène. La fiction théâtrale y est éteignée au profit d'une matière plus organique, autobiographique, le début d'une quête d'identité. Dans cette création, composée à partir d'improvisations des acteurs et de nous-mêmes, nous avons pris un nouveau risque, celui de l'épreuve physique. Il s'agissait de tester le pouvoir de résistance du corps marqué par une oppression. Il est important de souligner qu'à l'époque, nous ignorions totalement l'art corporel. Dans expérience 1, image de la vie quotidienne, il y avait 2 acteurs, un couple, homme-femme, habillés de blanc, qui dévoilaient une relation frustrée et violente. L'homme était dominateur, autodestructeur, suicidaire et sadique. La femme était sensible, incertaine et sa victime consentante. Leur relation évoluait par des gestes lents, des immobilités, des instants de violence et de silence. À un moment, par exemple, l'homme attrapait la femme, il la soulevait, elle la jetait dans un drap, étalé par terre, qu'ensuite il pliait sur elle en faisant un nœud, puis comme un sac lourd, il se mettait à la tourner en l'air pendant que la femme hurlait. Ou bien, il plongeait à répétition sa propre tête dans une bassine d'eau de plus en plus longtemps en tentant de s'asphyxier lui-même. Ou bien, il se brûlait. Ces scènes se déployaient à grande proximité du public. Un deuxième couple surplombait l'espace. 2 femmes, commentatrices, habillées de rouge et assises sur des socles de part et d'autre de l'espace. Elles interrompaient l'action, ici et là, pour la commenter par une réflexion sur les limites de la représentation et la frontière entre théâtre et vie. Leur texte était écrit par Maria et moi. En fait, les commentatrices, c'était Maria et moi. Mais à l'époque, Maria n'avait pas envie de monter sur scène. Elle est montée sur scène un peu plus tard, à Paris, et c'était sur la scène souterraine de notre double labyrinthe. La deuxième commentatrice était donc incarnée par Antonias Dimolitsa, qui avait joué Solange dans Les Bonnes. À la fin d'expérience 1, lorsque l'homme avait annihilé la femme et s'était lui-même écroulé, les commentatrices descendaient de leur socle et s'emparaient de lui en le réduisant doucement à l'état d'objet. Ils se laissaient faire. Sans se référer directement à la dictature, ces images de la vie quotidienne transposaient et vomissaient la violence politique que nous avions absorbée, mais aussi la violence sociale et la violence entre les sexes. C'était probablement aussi notre premier manifeste féministe. En cette même année, 1973, se produit un événement majeur de l'histoire grecque. La révolte des étudiants et leur massacre par la junte à l'école polytechnique d'Athènes. Cet événement était un séisme et un traumatisme insondable. Deux ans plus tard, dès que nous arrivons à Paris avec Maria et que nous nous rendons compte qu'ici, on avait vaguement entendu parler de ces événements, nous organisons une exposition à la mémoire de la révolte des étudiants à l'École Polytechnique. In Memoriam. L'exposition a lieu d'abord au département d'art plastique de Paris 1, où Maria faisait sa maîtrise avec Bernard Tessèdre, et ensuite à Paris 3, Sancier, où je faisais ma thèse en études théâtrales avec Bernard Dort. In Memoriam était une exposition purement informative et documentaire, composée de panneaux de textes et de photos. Je vais vous lire le texte que nous avions rédigé pour accompagner l'exposition, pour que vous ayez une idée plus précise des événements. À l'occasion du deuxième anniversaire du massacre de l'École Polytechnique d'Athènes, nous présentons une chronique de la révolte non armée et de son écrasement sanglant. Précédée par la révolte des étudiants à l'École Polytechnique le 14 février 1973, et la prise de l'école de droit par des étudiants le 23 février 1973. L'occupation de l'école polytechnique pendant 3 jours, les 14, 15 et 16 novembre 1973, constitue le point culminant de la résistance des étudiants et du peuple grec contre la junte. La prise de mesures antidémocratiques concernant les élections étudiantines a été le prétexte au rassemblement des étudiants à l'école polytechnique. Au début, les revendications, quoique débordant sur des questions politiques, portaient sur des problèmes étudiantins, contre le décret qui imposait l'incorporation des étudiants syndiqués, contre le contrôle des écoles supérieures par le service de la sûreté, pour l'augmentation du budget de l'éducation, etc. Pour se cantonner ensuite dans les problèmes purement politiques. Contre le fascisme, contre l'impérialisme, pour la démocratie et la liberté. À la résistance des étudiants pendant ces 3 jours a aussi participé une bonne partie de la population d'Athènes. Le nombre des manifestants augmentait de jour en jour. Pendant ce temps, des représentants du monde politique parlementaire se contentaient d'offrir leur appui moral, entre guillemets. Déjà, des éléments provocateurs, étrangers à la révolte des étudiants et difficiles à contrôler, s'introduisaient parmi les manifestants. En outre, la tolérance de la police s'est révélée une machination des autorités, comme en témoignèrent les événements sanglants qui suivirent. Après l'invasion de l'école polytechnique par les forces de la police et de l'armée, par les tanks, le matin du 17 novembre, et le massacre des manifestants qui s'est étendu en massacre de citoyens par toute la ville, les 2 jours suivants, la loi martiale a été proclamée. Il s'agissait de préparer le terrain au coup d'État du 25 novembre, le deuxième coup d'État en Grèce, qui à son tour a préparé le terrain au coup d'État et à l'invasion de Chypre par les forces armées turques avec la complicité des États-Unis en juillet 1974. Voilà. Ça, c'était donc les événements. Au même moment que nous faisions cette exposition, en novembre 1975, se tenaient à Athènes les grands procès des bourreaux du massacre de l'école polytechnique et de la torture pratiquée par les services secrets de la police pendant la dictature. Les procès étaient ahurissants et tenaient le pays en apnée. Face à leurs bourreaux, témoignaient des étudiants. Des militants, des résistants contre la junte ayant subi des sévices. Depuis Paris, nous suivions de près les procès et avons constitué un dossier volumineux de coupures de presse de journaux grecs préservés dans nos archives. L'exposition In Memoriam n'était qu'un premier geste. Nous avions besoin de poursuivre avec une action qui nous engagerait corporellement. Il fallait une réponse par le corps à la blessure des corps. C'est ainsi que nous avons conçu le projet de l'action contre la torture à la fin des années 75.